fit son chemin de croix. Vivre à l'heure de mes pas. Se comprendre, vieillir ne sachant où aller. Et attendre ces ans jeunes années sans remords ni regrets. Si la vie n'est pas celle que je cherche en vain, c'est écrit. Tant d'années à chercher, parcourir les cieux et percer le secret de la confiance.